Le repas préparé. Ma fille, laisse-la ton aiguille et ta laine. Le maître va rentrer. Sur la table de chêne, avec la nappe neuve aux plis étincelants, mets la faïence claire et les verres brillants. Dans la coupe arrondie, à l'anse au col de cygne, pose les fruits choisis sur des feuilles de vigne. Les pêches, que recouvre un velours vierge encore, et les lourds raisins blancs, mêlés aux raisins d'or. Que le pain bien coupé remplisse les corbeilles. Et puis, ferme la porte et chasse les abeilles. Dehors, le soleil brûle et la muraille cuit. Rapprochons les volets, faisons presque la nuit. Afin qu'ainsi, la salle, aux ténèbres plongées, s'embaume tout aux fruits dont la table est chargée. Maintenant, va puiser l'eau fraîche dans la cour. Et veille que surtout la cruche, à ton retour, garde longtemps, glacée et lentement fondue, une vapeur légère à ses flancs suspendus.